Toi qui m'écoutes encore dans ta chambre dehors, qui continue à supporter ma drôle de personnalité. Écoute bien ces vers en te servant un autre verre. C'est pour toi qu'ils sont écrits et que je les chante maintenant aussi. Et allez, c'est parti, on va s'en mettre pour 10 ans. Des refrains épanouis et de la joie dans nos maisons. Et allez, c'est parti, cette chanson vous remercie de continuer à m'écouter alors que défilent les journées. Je vous dis merci encore pour tous ces compliments qui, comme des trompe-la-mort, m'égayent à chaque instant. Ils me viennent droit au cœur dans cette période de ma vie où j'avais laissé la rancœur pénétrer au fond de mon esprit. Et allez, c'est parti, on va s'en mettre pour 10 ans. Des refrains épanouis et de la joie dans nos maisons. Et allez, c'est parti, cette chanson vous remercie de continuer à m'écouter alors que défilent les journées. Merci à ceux aussi qui me donnent la chance de diffuser ma musique aux quatre coins de la France. Merci à tous les artistes qui guident encore mes pas et ceux qui m'ouvrent la piste où je fais mes premiers pas. Et allez, c'est parti, on va s'en mettre pour 10 ans. Des refrains épanouis et de la joie dans nos maisons. Et allez, c'est parti, cette chanson vous remercie de continuer à m'écouter alors que défilent les journées. Et allez, c'est parti, on va s'en mettre pour 10 ans. Des refrains épanouis et de la joie dans nos maisons. Et allez, c'est parti, cette chanson vous remercie de continuer à m'écouter alors que défilent les journées. Merci.